conviction sans jamais lâcher l'affaire. Mettre des coups de pression sans occuper ça l'hiver. Garçon au soleil, quand tu sais c'est l'hiver. Rhum citron ou sac glaçon, j'en ai plus des rivières. Errant comme un zombie dans la rue Bargaminière. Négro info centre Toulouse, ouais j'en suis fier. Ici les frères sont vénères qui se tapent sortir à couvert. Combien il laisse des plumes ramassées à la petite cuillère. On vit une sale époque où le respect se perd. Donner sa confiance facilement peut te coûter cher. Pour le succès certes serait prêt à peindre l'envers. Des commères plus croyables, un manque de repères. L'homme de vipère, je perds pas mon temps, j'ai d'autres choses à faire. Sur terre, du mirail, là d'où vient mon caractère. N'essaie même pas de me la mettre à l'envers. Je voudrais foutre le feu à cette putain de ville. J'enfile les gants car cette table aime comme lui rentre dedans. Assis pareil, on est des frères mais ça existe depuis quand. Je suis pas ce genre de gars qui se la joue arrogant. C'est pas l'hiver, j'avoue que c'est fatigant. Y'a que dans tes rêves que t'es le plus gros trafiquant. Tu te prends pour ce café, mais t'en as pas le talent. MC de mer, insignifiant. Occupe-toi plutôt de tes gosses au lieu de perdre ton temps. Je joue pas avec la rue, c'est une balle à bout portant. À nous voyant à l'état d'esprit combattant.